Vous. Oui, vous. Savez-vous que vous pouvez écouter 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts sur une seule application gratuite ? Avec Radio Player France sur smartphone, enceinte ou en voiture, vos radios sont toujours avec vous. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. En bande organisée, une jeunesse médiévale canalisée. Comment contrôler l'énergie de la jeunesse? Une énergie débordante. C'est une histoire durant laquelle nous allons fesser le mouton et nous aurons le droit de coquilles de couillage et aussi le droit de cris de fête. Oui, plein de choses à expliquer dans cette émission. Il y aura des joutes, des courses de bagues, le jeu de l'oiseau et celui de la soule. Il y aura des quilles, des boules, des crosses et des courses. Que sont les bachelleries du Moyen-Âge responsables des fascinants formidables, inquiétants, charivari? Qu'est-ce que le charivari? Eh bien, le charivari, c'est un rituel que l'on trouve attesté dans tout le monde indo-européen depuis l'origine. Le charivari, c'est un rituel qui raconte un mythe simple, qui dit, aux origines des origines, la terre, le monde, était dominé par des hommes bêtes, qui sont, suivant les aires géographiques, des hommes loups, des hommes ours, des hommes chiens, des hommes singes, ces hommes bêtes, disposés de pouvoirs illimités. Ils intervenaient pour posséder toutes les femmes et pour châtrer tous les hommes. Un jour, les hommes se sont réunis, se sont ligués et ont tué les hommes bêtes. Et sur le meurtre des hommes bêtes, ils ont fondé la loi. C'est en 1995 que le psychanalyste Henri Reflot réfléchissait à la notion de charivari à l'occasion de la parution de son ouvrage Le Charivari. Bonjour Nicole Pellegrin. Bonjour à vous, bonjour à tous et toutes. Vous êtes d'accord sur cette explication psychanalytique de ce qu'est un charivari? Alors, c'est une explication extrêmement intéressante et qui a, je pense, infusé toutes mes recherches sur les activités des jeunes. C'est en même temps une interprétation un peu douteuse et un peu incertaine, puisqu'elle est fondée sur des réflexions qui n'apparaissent jamais dans les textes qui nous racontent le charivari. Et cela du Moyen-Âge jusqu'à une date extrêmement récente, puisque le charivari mené par les jeunes est un rituel, comme c'est très bien dit, mais est aussi un moyen de contrôler la jeunesse, mais de faire en sorte que la jeunesse contrôle la société à laquelle elle appartient. Oui, parce que c'est cette longue réflexion sur le charivari. Là, nous avions cette origine, mais il y a tant et tant à développer autour du charivari. D'ailleurs, tout de suite, vous avez évoqué à Nicole Pellegrin les textes. Bah oui, vous êtes historienne, anthropologue. Donc l'historienne s'en va vers les sources immédiatement. Les charivari ont-ils laissé beaucoup de sources? Alors, malheureusement, pas beaucoup, mais on en a suffisamment pour les interpréter et essayer de les lire. Et alors, on ne fait que les lire, puisque ce sont des textes de la répression qui nous racontent ces bamboches, comme vous disiez, mais dont la cruauté et le caractère agressif et violent ne doit jamais oublier, puisque le charivari punit ceux qui, au village ou dans le quartier, ont enfreint la loi populaire, celle des vieux qui épousent des jeunes, celle des mariés qui n'ont pas payé de redevances aux garçons restés célibataires. Les hommes politiques aussi qui se comportent mal peuvent faire l'objet de charivari, et cela sur la très longue durée. Donc ce sont des rituels agressifs, violents, dont on doit mesurer ou tenter de mesurer à partir de nos textes la violence et l'efficacité. Sur la très longue durée, vous venez de le dire Nicole Pellegrin, mais également sur un espace très vaste, ce n'est pas simplement une histoire française qui nous intéresse aujourd'hui. Bonjour Ilaria Taddei. Bonjour. C'est la même chose du côté italien? Alors, oui et non. Et aussi, on peut prendre un espace aussi plus large. Par exemple, en Suisse, je retrouve des formes de charivari attestées pour l'abbaye des nobles enfants de Lausanne. Il ne s'agissait pas vraiment d'enfants. et les victimes sont des chanoines. C'est intéressant de voir à cette forme qu'en Italie, on appelait un rôle infrajudiciaire. Et ce qui me semble intéressant pour l'Italie, on a étudié, donc on a franchi les frontières du 15e siècle. On a remonté, on a trouvé donc des aspects, des rituels, des dérisions ou aussi des formes infrajudiciaires entre les mains des jeunes qui remontent donc au XIIIe siècle. Donc liés au pouvoir politique, donc comme si les jeunes agissaient comme une forme de justice entre les mains de la jeunesse en liaison avec les pouvoirs politiques. Des sources judiciaires, infrajudiciaires, ce qui signifie qu'il y a un biais de regard à travers les sources, mais comme bien souvent, hein, oui. C'est la condamnation qui est soulignée dans les sources. Le charivari lui-même, comme étant un moment de vie, ne laisse pas tant de traces que cela, sinon par la condamnation des excès. Exactement. On a peu d'images et elles sont médiévales. Et on a des textes qui sont exclusivement des textes qui les condamnent. Oui, condamnation parce que excès, ça ressemble à quoi un charivari ? Alors, un charivari, c'est faire du bruit, notamment taper sur des casseroles et des chaudrons pendant des nuits et des nuits sous les fenêtres de celui que l'on veut dont on veut montrer l'infamie ou le mauvais comportement. Et comme vient de le dire Ilaria, c'est effectivement des filles qui se sont mal tenues, ce sont des vieux qui ont épousé des jeunes. Ce sont des gens qui ont épousé des filles d'ailleurs, mais ce sont aussi des gens ayant autorité politique. Alors je pense que les chanoines dont Ilaria vient de parler sont souvent, c'est en tout cas le cas dans le Poitou sur lequel j'ai beaucoup travaillé, les seigneurs aussi qui se comportent mal, qui n'ont pas laissé les jeunes d'ailleurs faire la fête en temps voulu, peuvent faire l'objet de charivari. Que le seigneur soit un abbé ou soit un laïc. Le charivari répond à une actualité, c'est tout ce que vous venez d'évoquer, Nicole Pellegrin. Il s'est passé quelque chose de mal dans le village à ce moment-là ou dans la ville et il y a une réaction. Ou bien ces charivaris peuvent-ils évoquer des actualités du passé, c'est-à-dire des événements de l'histoire et devenir comme ça peu à peu une tradition ? Oui, alors ce qui est intéressant et qui rend difficile mais passionnant les études que nous tentons ou que je tentais de mener sur ces questions, c'est qu'il y a une stratification d'usage et une stratification d'interprétation à donner à ces usages parce que le charivari, d'un point de vue formel, peut paraître le même du XIIIe au XIXe siècle, mais comme on vient de le dire toutes les deux, ce ne sont pas les mêmes acteurs et ce ne sont pas non plus les mêmes victimes qui agissent en charivarisant au village ou dans telle ou telle ville ou quartier d'Italie ou d'ailleurs. Avec ce très beau mot, hein, charivariser, moi je le reprends à mon compte. Le mieux, c'est d'assister à un charivari avec des enfants qui ne sont pas du tout contents à Chalabre, un petit village de l'Aude. Il n'a pas voulu ouvrir. On a suivi la tradition, on est arrivé en haut et il n'a pas voulu ouvrir. Il n'a pas voulu nous ouvrir. Parce qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Luce, c'est les traditions du Moyen-Âge. Il disait qu'il fallait faire du bruit le jour de la Saint-Luce. Ça s'est perdu en France et comme Fleurice est mort ce jour-là, comme ils ont décidé, les gens de Chalabre, de punir Fleurice, ils l'ont tué pendant qu'il y avait beaucoup de bruit, comme ça, personne ne pouvait l'entendre. Et ils l'ont traîné jusqu'ici et voilà. Il tirait du ciel en plus. Il pourrait nous laisser faire notre tradition et pas nous embêter. Les autres jours, d'accord, il pourrait défendre son château, mais ce jour-là, il pourrait nous laisser entrer. Il y a plus. Il y en a un, il s'est reçu une balle dans les fesses, à s'élever, il est dans la clinique. Et puis, dans la nuit, comme ça, quand il tire, il regarde, il tire et puis il peut tuer quelqu'un. Et comment tu veux qu'il voit? Il n'y a pas de lumière. Bah oui, il n'y a pas de lumière. Comment il peut voir le tir là dans le noir, le type du château? Ce sont les enfants du village de Chalabre dans l'Aude. C'était en 1992, dans la matinée des autres sur France Culture. Alors, ce charivari-là évoque un fait ancien du XVIIe siècle, en 1697. Jacques Fleury Fleurus a été tué. Et depuis, tous les 13 décembre, le jour de la Saint-Luce, il y a un charivari. Nicole Pellegrin, c'est une lecture très simple que l'on peut avoir du charivari, le village contre le seigneur, ou une lecture beaucoup plus complexe de cette construction, où c'est une communauté plus large contre un individu qui se met par ses actions en marge de la communauté. Alors, chaque cas est singulier et c'est ça qui est magnifique. Chaque cas est singulier parce que, comme on disait tout à l'heure, les victimes, guillemets, peuvent être extrêmement différentes d'un lieu à l'autre et d'une période à l'autre. Et donc, il est difficile de, me semble-t-il, généraliser autour de ce rituel. D'autant qu'il est, comme on le disait tout à l'heure, le fruit d'un amoncellement de traditions. Et peut-être faut-il surtout retenir sa violence, son agressivité. Et la question que vous posiez sur contre qui et pour qui, parce que c'est le pour qui est ici important. On a parlé des acteurs, on a parlé des victimes, mais il faut parler des bénéficiaires. Et les bénéficiaires, c'est la morale du village ou la morale du quartier. C'est donc une communauté beaucoup plus vaste que le seul groupe des jeunes, qui à cette occasion-là reçoit des redevances, des compensations de la part des charivarisés, mais qui en même temps reçoit de la part de la communauté à laquelle il appartient le fruit d'une reconnaissance en tant que groupe de jeunes défenseurs de la vigueur du lieu, représenté par les jeunes membres, et défenseurs de la morale dominante. Et donc c'est la raison pour laquelle beaucoup de charivari ont pour victime des femmes, puisque c'est l'honneur du village, passe à la fois par les prouesses physiques des jeunes gens, mais aussi par la bonne tenue, guillemets, des filles. Oui, il y a un contraste, hein. On l'entend bien, Hilaria Taddeï, entre une représentation du charivari comme étant quelque chose de bon enfant, oh là là, cette jeunesse turbulente, et puis la réalité de ce qui motive au charivari, qui ressemble parfois à de la vengeance et de la violence, et notamment envers symbolique, les femmes. Mais parfois physique. Et parfois physique, ça peut conduire jusqu'au viol. C'est vrai que cette notion de charivari est double et même sans doute beaucoup plus que cela. Dans le cas de l'Italie, il y a l'identité des cités italiennes qui font que ça doit être pris aussi en compte. Vous avez particulièrement étudié Florence. Oui, la Toscane, l'Italie du centre et du nord. Et je pense que l'expression de cette violence, qui est une violence enracinée, violence aussi ritualisée, celle donc du chari, et celle les jeunes qui œuvrent pour en fonction de l'ordre comme défenseur d'un ordre politique, un ordre social, et on les voit donc en tant qu'acteurs dans différents types de rituels, par exemple aussi les fêtes de, vous parlez donc des villes toscanes, il y avait cette forme de dérision aussi entre les villes, un théâtre, une mise en scène. Et notamment, on retrouve l'animal par excellence de la dérision, qui est l'âne, avec la chevauchée à l'envers des victimes. Donc, une théâtralisation du conflit et de la violence entre les mains des jeunes. Et c'est là, donc, les jeunes ont les privilèges, la prérogative de mettre en œuvre une violence encadrée et en même temps ritualisée. Et parce que c'est donc leur identité d'être violent. La manière dont ces organisations, des jeunesses s'expriment en fonction de la manière de voir en lien étroit avec les pouvoirs politiques, donc ce qu'il y a en jeu, c'est aussi la manière de voir les jeunes. Et l'identité des jeunes, les jeunes se définissent comme violents. Ça, c'est très fort ce que vous dites là, sur cette identité liée à la jeunesse, une jeunesse violente. Nicole Pellegrin. Oui, et je rebondis sur ce que dit Hilaria en disant que c'est même une obligation. Alors, c'est, vous disiez, on s'est beaucoup interrogé sur la fête libératrice, sur les jeunes qui s'amusent, mais ils doivent s'amuser. Et les rituels concernant la jeunesse que nous avons étudiés, Hilaria en Suisse, en Italie et moi-même en France, montrent que c'est un droit, mais c'est aussi un devoir. Et les jeunes qui ne feraient pas, qui ne suivraient pas le rituel, sont eux-mêmes punis, sables par la communauté, s'ils ne se livrent pas à ces danses, ces fessées de moutons, puisqu'on y en parlera peut-être tout à l'heure, etc., etc. Et donc, droit-devoir, dans une société féodale, c'est très important que c'est sans arrêt en interaction. Et je pense que c'est important de le voir aussi en lien avec la chronologie. Ouais. Parce que là, c'est un point vraiment d'historien. Donc, c'est notre regard, le regard que l'historien porte à ces manifestations, à ces rituels. Les moments forts de l'expression de cette culture qui est une culture militaire, une culture chevaleresque. Les moments forts, c'est les 12e, 13e siècle. Et c'est donc l'expression, c'est la manière, c'est aussi les temps forts des jeunes. Jeunes qui pour l'Italie du Nord et l'Italie du Centre sont ces societates, ces juvenum, ces associations des jeunes partagent fondamentalement les valeurs de la militia, des chevaliers et des cavaliers. Et c'est tout un ethos qui est partagé et la violence est donc un ingrédient identitaire fondamental. Nécessaire, et c'est aussi, voilà, ce qui fait la force et l'intérêt donc de travailler sur la jeunesse, que les jeunes, comment définir ces jeunes à travers, n'est-ce pas, les tons. Les tons, quand je dis les tons forts du XIIIe siècle, les jeunes est à la fois violon, est à la fois généreux, il est à la fois beau. Donc, il y a une expression de la jeunesse plutôt positive, dans le sens que les jeunes est représenté comme un acteur qui est à la fois violon, mais il est généreux, il est beau, il est courageux, il est fort. Quel âge pour cette jeunesse, d'ailleurs ? Alors, la jeunesse, c'est une question fondamentale. Alors, difficile de vous donner une tranche d'âge, mais disons que les jeunes qui participent à ces sociétés des jeunesses, probablement François d'Assise a participé à ces compagnies, et avait donc entre 18 ans et 30 ans. Après, on verra la question de l'âge plus complexe. Alors, pour les sociétés de jeunesse que moi je connais, c'est-à-dire celles plutôt du centre-ouest de la France d'Ancien Régime, j'ai des bacheliers, puisque c'est comme ça qu'on les appelle dans ces régions, des bacheliers qui ont 13 ans, et j'en ai qui vont jusqu'à 50 ans. Et la coupure n'est ni la puberté, donc non pas une limite physiologique, mais une limite sociale, c'est en fait d'avoir non seulement d'être marié, mais d'avoir eu des enfants. Et là, dans les exemples que moi j'ai un peu travaillé, la coupure se fait à la naissance du premier enfant. Donc on est jeune jusque-là. Pourquoi ce mot, bachelier, bachellerie ? Alors, l'étymologie est complexe à retrouver, à démêler. Bachelier, on pense bien sûr à bas chevalier. Donc, c'est quelqu'un qui, aussi bien dans la chevalerie que dans les métiers de justice, mais aussi au village, commence sa vie et est porteur de bâton. On oublie que le baccalauréat, c'est le bacal, le bâton à laurier hein, qu'on obtient. Et là, on renvoie à un des fameux rituels dans lequel tous nos jeunes gens d'Italie, de Suisse et d'ailleurs s'expriment, c'est la plantation, la recherche et la plantation des mets, c'est-à-dire de bâtons fleuris, grâce auxquels ils ornent les maisons des gens qu'ils estiment, mais qui peuvent à l'occasion être aussi un moyen d'exprimer leur rejet ou leur dédain à l'égard de telle ou telle autorité ou de telle ou telle jeune fille qu'ils s'est mal conduit. Donc le l'emblème de cette jeunesse, c'est le bâton végétalisé, fleuri, et c'est la raison pour laquelle, dans mon cas, mais je ne sais pas si c'est la même chose en Italie et en Suisse, la plupart de ces fêtes de bachellerie se font ou ont lieu au tournant du mois d'avril et du mois de mai. Oui, parce qu'il y a aussi cette chronologie-là, hein, la chronologie de l'historienne sur le temps long et la chronologie plus courte du charivari, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une date précise pour le charivari. Certains qui respectent une tradition, ben, on l'a entendu tout à l'heure dans le village de Chalabre, dans l'Aude, c'est tous les 13 décembre, c'est une tradition, mais il peut y avoir un charivari à n'importe quel moment de l'année. Oui, alors par exemple pour les cas suisses, c'était donc la période des libertés de décembre, donc de Noël à l'Épiphanie, et avec une reprise donc ancienne de l'Antiquité, et puis qui passait aussi par les fêtes des fous autour de l'évêque. Là, c'est un peu plus compliqué, mais pour moi, donc, mon point de vue sur cette action des jeunes est toujours en lien étroit avec les pouvoirs, pouvoirs politiques et aussi pouvoirs religieux. Donc c'est un regard, quand je dis regard de l'historien, c'est le regard de la chronologie, parce que donc toutes les études qui ont été menées sur les bacheleries, les abbayes de jeunesse, pour concerner donc essentiellement, ils ont ouvert un champ extrêmement fécond pour la fin du Moyen-Âge. Ce qui a été donc plutôt du côté italien, on a remonté à partir du XIIIe siècle, donc une analyse des longues durées, de ces, comment donc évoluent ces associations au gré donc de l'évolution des pouvoirs, en lien étroit avec, quand je dis pouvoir, pouvoir à la fois politique et religieux, bien entendu. Exemple italien, direction Florence. Julien, le fils de Laurent de Médicis, pour cette occasion, ordonna 3 beaux déjeuners pour tous les enfants de la compagnie, avec beaucoup de pâtisseries, de gaufrettes, de petits gâteaux et du vin Trebbiano. On fit la fête ce jour-là, le parement, de par sa magnificence, ne pouvant être achevé avant. Pour cette fête, fut mise sur scène la représentation de Saint Jean et Saint Paul. Parmi le public venu la voir, il y eut Laurent de Médicis, père de ce Messere, tant d'autres hommes éminents et beaucoup de gens du peuple. Tout cela fut merveilleux. Tous les enfants furent sur scène, et notamment ceux qui étaient drapés. Pierrot, moi-même et Bartholoméo en fîmes partie. Nous nous trouvions à Florence à la fin du XVe siècle avec la confrérie de Saint Jean l'Évangéliste. Alors on voit qu'il y a du beau monde dans cette confrérie. On parle de confrérie, de compagnie. Ilaria Taddei, de quoi s'agit-il? D'organisation proche du pouvoir, bien sûr, mais avec seulement les enfants des nobles du lieu? Non, c'est précisément donc la question fondamentale concerne ces confréries de jeunesse qui à Florence s'appellent Societates Puerorum Adolescentium et Juvenum, donc compagnie d'enfants, d'adolescents et des jeunes qui se mettent en place au début donc du XVe siècle par des initiatives privées, mais très appuyées par les pouvoirs politiques et religieux. Ici, c'est le cas donc de Laurent de Médicis, mais déjà comme l'ancien avait appuyé ses confréries des jeunes, un encadrement qui concerne, qui transcende les barrières sociales et topographiques de Florence, dans le sens que ces compagnies réunissent les jeunes de tous les quartiers de Florence et de toutes les conditions sociales. On y trouve en particulier, donc c'est le cas qu'on vient d'écouter, des artisans. Ici, c'était le cas de Bartolomeo Masi, un chaudronnier, dont les fils font partie donc de la compagnie de Saint Jean l'Évangéliste. avec à côté les fils donc de Laurent de Médicis, donc Julien, les futurs ducs de Nemours, et Jean, donc les futurs papes Léon X. Donc nous sommes, vous voyez, la variété, l'hétérogénéité sociale et en même temps les rôles du messer est donc octroyé au fils de Laurent de Médicis, qui offre aussi les déjeuner, et on retrouve ces noms des messères, donc c'est la récupération de toute une tradition du roi de la fête qui figurait donc aussi pour les abbayes, pour les bachelleries, mais ici donc ce rôle est différent, et la mise en scène, donc je précise que c'est Laurent qui prépare, qui rédige donc les textes de cette représentation sacrée qui se joue donc au moment du carnaval, et vous aurez peut-être déjà compris que c'est une manière de récupérer toute une tradition et en même temps de la changer profondément, dans le sens qu'ici il s'agit d'une représentation sacrée. Bien évidemment, on peut imaginer que les jeunes pouvaient s'amuser dans cette forme de représentation. En même temps, il y a un banquet, mais c'est totalement contrôlé et le but, l'objectif principal est un objectif d'éducation et pour ce qui est donc du patronage des Médicis, c'est aussi un moyen pour élargir les consensus et élargir aussi les réseaux d'alliances. On voit aussi l'orgueil ici dans ces petits extraits, l'orgueil du chaudronnier qui a ses fils donc à côté. Il dit nous étions tous drapés, donc très bien habillés, et à côté donc de celui qui incarne un peu les princes. 15e siècle, en Italie, cette volonté par des confréries de canaliser ces débordements, celle des bachelleries, parce que Nicole Pellegrin, on sent bien qu'avec les bachelleries, et elles sont anciennes, hein, il pouvait se passer n'importe quoi. Alors, je le dis bien à la ville et au village, hein, parce qu'on n'est pas uniquement dans un phénomène urbain. Oui. Alors, je crois que là, il faut qu'on soit attentifs les unes et les autres au fait que l'Italie dont nous parle Ilaria est une Italie médiévale et urbaine, alors que j'ai principalement travaillé sur une France d'ancien régime et villageoise. Ceci étant, je retrouve exactement les mêmes phénomènes que ceux qu'on décrivait tout à l'heure, à savoir que les fêtes des bacheliers, quelles qu'elles soient, charivari compris, tout au long de l'année, fêtes patronales qu'ils organisent, mais aussi fêtes qui sont leurs fêtes propres, ont une finalité principale qui est celle de d'assurer la cohésion sociale. Assurer la cohésion sociale, c'est-à-dire qu'effectivement, le fils du seigneur ou le fils du manant doivent l'un comme l'autre, au moins en principe, courir la bague, sauter dans un puits après un étuff ou une balle ou une soule, et souffrir pour la communauté et donc réaliser ces finalités à la fois unanimistes et aussi punitives dont on parlait tout à l'heure. Donc là, il faut être très attentif au lieu, au moment, mais aussi voir qu'effectivement, ce sont des fêtes qui encadrent et qui sont encadrés, et qui vont tendre, y compris dans mon petit Poitou, à être de plus en plus encadrés. Encadrés et refusés. Donc le passage de certaines bachelleries à la confrérie patronnée, c'est le cas de le dire, par le curé du lieu est très intéressante, mais aussi patronnée de plus en plus par des seigneurs qui aiment les pastorales, qui aiment les bergeries et qui vont payer pour que tant bien que mal perdurent ces fêtes et ces organisations, lors même que la société évolue et les stigmatise. Nicole Pellegrin, il est peut-être temps pour nous, dans le cours de l'histoire, au moment de s'intéresser à cette jeunesse médiévale canalisée, de fesser le mouton. Mais Il se tient, chaque année le dernier vendredi du mois d'avril, une assemblée qui dure plusieurs jours, qu'on appelle la bachelette. Les jeunes gens de la ville, et ceux nés dans la paroisse de Saint-Jouin, ayant l'épée au côté, la cocarde au chapeau, et suivis de joueurs d'instruments, rendent visite à toutes les femmes mariées depuis la dernière assemblée, donnent à chacune un bouquet d'oranges et les font danser. Le samedi soir, les jeunes gens et les nouvelles mariées se rendent dans un endroit où il y a un mouton que chaque jeune gens met sur son dos et fait tourner 3 fois autour de sa tête. Ensuite, on danse. Le dimanche, pendant la messe, les jeunes gens se placent à la porte de l'église, prennent la première fille de campagne qui en sort et la font danser. Les jeunes gens vont ensuite hors de la ville et commencent une course. On exige de chaque nouveau marié un écu de 3 livres. Ça y est, nous avons fessé le mouton. Nicole Pellegrin, nous venons d'entendre par Anna Holbeck, qui réalise l'émission Le cours de l'histoire sur France Culture avec Thomas Beau et aujourd'hui à la technique Élise Leu, un extrait d'un arrêt de la cour du Parlement du Poitou. Nous étions en 1779. Qu'est-ce que cette histoire de fesser le mouton? Alors, je me permets de corriger, de dire que c'est un arrêt du Parlement de Paris. De Paris qui concerne... Qui concerne l'ensemble du Poitou, Bas-Poitou et Haut-Poitou, c'est-à-dire une vaste zone qui va de la Loire à la Gironde et de la Vendée au Berry. Et qui, dans cet arrêt donc du 1er juin 1779, interdit la poursuite de toutes les formes de bachellerie dans cette zone, et plus particulièrement 2 bachelleries qui ont perduré d'ailleurs assez longtemps, la bachellerie de Vouillé, qui près de Poitiers, où il s'agissait de jouer à la soule le 26 décembre, et une compétition opposant les jeunes aux nouveaux mariés, les femmes et les hommes confondu, qui se terminait dans les eaux glacées de la rivière ou du puits. Mais cet arrêt concerne plus encore la bachellerie, ou on l'appelle la bachelette, de Châtillon-sur-Sèvre, actuellement c'est la ville de Mauléon, et qui est une fête extrêmement intéressante à regarder de près, car si on a cette description ridicule en apparence donnée par les parlementaires parisiens, j'ai la chance en tant qu'historienne dans les archives d'avoir trouvé d'autres sons de cloche, si je puis dire. Alors, le curé du lieu qui est évidemment tout à fait hostile, mais le duc et père de Châtillon qui paye pour que la fête perdure, les meuniers et les nouveaux mariés qui sont rançonnés par les jeunes qui protestent auprès du Parlement de Paris pour que la fête disparaisse. Il y a donc à lire autrement cet arrêt, puisqu'on a d'autres avis sur la fête. Alors, pour faire bref, vous avez compris que c'est une fête qui a comme caractéristique, comme la plupart des bachelleries, d'avoir lieu dans un espace très vaste, à savoir la ville de Châtillon, la paroisse de Saint-Jouin qui est à côté, mais aussi le finage alentour, qui a aussi comme caractéristique de s'étaler dans le temps, car la fête commence le dernier vendredi d'avril, mais s'étend jusqu'au 1er mai, ce qui veut dire que selon les années, c'est 3, 4, 5 ou 6 jours de fêtes et de courses et de compétitions. Et ces compétitions sont multiples, mais il y en a 2 principales que la lecture que nous avons entendue a bien montré. Faire voltiger un mouton au-dessus de sa tête, tous les jeunes garçons doivent le faire. Alors, les moutons de cette époque-là, ils bêlaient magnifiquement tout à l'heure sur les ondes, étaient peut-être moins lourds, moins en chair que nos moutons actuels, mais enfin, c'est quand même une prouesse physique tout à fait étonnante. Et l'autre compétition qui est décrite dans le texte qu'on a entendu, c'est une course qui est ou à pied ou à cheval, où les jeunes gens doivent concourir en totalité, aussi bien les jeunes de Saint-Jouin que ceux de Châtillon, compétition à l'issue de laquelle le roi des bacheliers, le chef annuel du groupe des bacheliers, celui qui va présider à l'ensemble des activités festives et infrajudiciaires de l'endroit, va exercer son pouvoir. Donc des compétitions, des parades, des prouesses physiques et des filles agressées. Parce qu'il y a la fessée du mouton. La fessée du mouton, c'est une jeune fille, la dernière mariée, qui doit taper sur le cul, excusez-moi, du mouton, beau lapsus, qui doit lui faire à ce malheureux mouton, à ces malheureux moutons, 3 tours autour d'un tonneau, après quoi le mouton est pris à bras-le-corps par les jeunes et je te fais tourner... Pour tourner la bête. Mais le deuxième grand moment fort, celui qui révulse les parlementaires parisiens, c'est la danse de la bergère, c'est-à-dire la première fille qui sort de la messe le dimanche, qui suit les premières festivités, a le droit d'être saisie par les jeunes. Alors certes, on lui offre un bouquet, mais on lui impose d'être embrassée par la totalité des gamins ou des jeunes, plus ou moins méché bien sûr, et donc cette violence est assez intéressante à souligner. Mais les nouvelles mariées sont l'enjeu, un des enjeux de la fête, puisque leurs époux doivent payer un écu de 3 livres au groupe des jeunes, et que pour ces nouvelles mariées, la fête de la bachellerie, c'est aussi la sortie du temps de la jeunesse. Dans le cas de la bachelette de Châtillon, la fin de la jeunesse, c'est pas la naissance du premier enfant, mais c'est la fête elle-même. Et puis il y a une question d'argent qu'on entend bien, hein, c'est il faut payer systématiquement à différents moments, donc pas tout le monde paye, mais le nouveau marié va devoir donner des sous. Hilaria Taddeï, en fait nous sommes dans une société, cette société médiévale, une société avec beaucoup de droits seigneuriaux, qui en fait trouvent leur écho dans ces organisations, que ce soit les bachelleries, que ce soit les confréries, les différentes compagnies. En fait, c'est à l'image de la société, mais une société légèrement biaisée. Vous avez parfaitement raison, dans le sens que ces différents types d'organisations, qu'il s'agisse des abbayes, des bachelleries, des confréries, on peut donc les considérer comme un révélateur sur un projet des sociétés, sur une société dans toute sa profondeur. Tout à l'heure, nous avons parlé de ces confréries des jeunesses florentines qui s'inscrivent dans un contexte urbain fortement alphabétisé. Vous avez donc eu la preuve, les témoignages donc de ces ricordances, de ces souvenirs d'un artisan. Donc cela prouve à quel point donc c'est une société alphabétisée, urbaine. Et puis donc nous sommes à la fin du 15e siècle et il y a eu donc depuis le 13e dont j'ai parlé tout à l'heure tout un mouvement de moralisation de la jeunesse qui passe à la fois par la commune du Popolo et aussi par l'œuvre des ordres mondiaux. Et on arrive donc au 15e siècle avec cette mise en place des confrérie ad hoc pour les jeunes, ce qui, à mon avis, est vraiment un phénomène révélateur d'une société qui voit les jeunes comme les futurs, à l'avenir d'une société. Ce qui, à mon avis, est aussi un aspect important pour aujourd'hui, dans le sens que la Florence marchande, riche, mais donc investie, se projette donc sur l'avenir pour vers les jeunes. Les jeunes donc qui sont considérés comme un investissement social, moral, éducatif. Une éducation qui est une éducation globale. Nous parlons tout à l'heure des représentations sacrées qui avaient lieu donc au moment du carnaval au sein donc de la confrérie, mais aussi il y avait lieu donc c'est déployé également au moment donc des processions, notamment du saint patron de la ville, Saint Jean-Baptiste. Et c'est là où on met en scène aussi des drames sacrés qui, en même temps, sont représentés sur les édifices qui se trouvent donc dans le cœur politique et religieux de la ville de Florence. Je pense notamment, par exemple, à la représentation Abraham et Isaac, mis en scène donc par ses confréries de jeunesse, et qui est représenté aussi sur la porte, sur la seconde porte donc du baptistère à Florence. C'est celle donc qui a été prise dans pour les printemps de la Renaissance, comme les débuts de la Renaissance. C'est la porte donc de Ghiberti, donc qui est représentée sur les baptistères. Donc il y a pour Florence une cohérence fondamentale entre les représentations, la mise en œuvre de ces représentations ad hoc pour les jeunes et aussi ce qu'on voit au cœur politique et au cœur religieux de la ville. L'une des images qui représente donc ces jeunes, c'est la prudence. La prudence représentée avec un double visage, un serpent. C'est la prudence ainsi représentée, on la trouve donc dans l'édifice les plus emblématiques de la Florence du 14e et 15e siècle. Et la prudence, c'est le contraire des jeunes. L'une des représentations les plus fortes que j'ai étudié dans mon livre « La prudence à l'œuvre » publié récemment par Classique Garnier, c'est donc un jeune, c'est la prudence représentée sur la loggia de la seigneurie et une femme au double visage qui tient donc les miroirs et un serpent donc dans l'autre main. Et en bas, il y a la tête renversée d'un jeune. C'est un unicum dans toutes les représentations des vertus, parce que c'est le contraire de la prudence. Parce que, comme disait Aristote, c'est un pensif qui se répète, qui est repris donc surtout par les humanistes, par Pétrarque, les premiers, mais même par les marchands écrivains. Les jeunes ne peuvent, et on les retrouve déjà depuis le 12e siècle. Donc c'est un mouvement de longue durée, les jeunes ne peuvent pas être prudents. C'est donc l'autre face de ce qu'on voyait tout à l'heure, les jeunes peuvent être forts, peuvent être courageux, sont beaux, c'est les fleurs de l'âge et c'est aussi les fleurs du mal et en même temps donc ils n'ont pas la capacité de avoir cette sagesse pratique qui demande de l'expérience. Ils ne sont pas capables de donner des bons conseils. Il faut leur apprendre. Hilaria Tali, vous êtes professeure d'histoire médiévale à l'Université Grenoble-Alpes. Et puis, il y a cet ouvrage, La prudence à l'œuvre dans la Florence de la fin du Moyen-Âge, concept, représentation et usage, Classique Garnier. Nicole Pellegrin, dans ce regard porté sur la jeunesse, il y a de la violence, bien sûr, liée à l'identité. Nous l'avons dit dès le début de l'émission. Peut-on dire que ces bachelleries que vous avez étudiées sont une forme d'encadrement, c'est certain, mais également d'éducation. Alors, je suis contente qu'on reprenne effectivement la thématique du contrôle et la thématique aussi de l'éducation. Alors, ce dont je parle, ce sont essentiellement des jeunes de village et qui, contrairement aux jeunes florentins, ne sont pas alphabétisés. Donc on n'est pas dans une société où existerait l'instruction publique, mais où l'éducation est globale et elle est faite par tous pour tous. On est, la jeunesse, je me permets de le rappeler, dans les dictionnaires de l'Académie française, 17e, 18e et au-delà, la jeunesse est un âge de la vie Et on ne faut pas oublier que les bacchelleries, comme les fêtes italiennes, sont le reflet d'un classement par classe d'âge qui se superpose, mais qui persiste très fort au sein de sociétés d'ordre et de sociétés qui deviennent des sociétés de classe. La jeunesse est un âge de la vie, mais c'est aussi donc une organisation sociale très importante qui assure la cohésion sociale globale, mais c'est aussi dans les dictionnaires français du XVIIe et XVIIIe siècle une bêtise, une volerie, une joyeuseté, c'est-à-dire en fait un viol. Et donc, les jeunes, comme le disait très très bien Hilaria tout à l'heure, c'est la vigueur, c'est la force, c'est l'avenir, mais c'est en même temps un âge dangereux pour soi et pour les autres. Et donc, il doit être encadré. Et on l'encadre en donnant aux jeunes des pouvoirs et des privilèges limités, mais absolument nécessaires. Et là, je pense que le thème de du contrôle de la jeunesse par les formes anciennes sont intéressantes à méditer. Lors même que, comme aujourd'hui, les jeunes, on ne les connaît que sous leurs aspects supposés criminels. Et donc, sous la forme de la délinquance, ils sont bien autre chose. En bande organisée, une jeunesse médiévale canalisée. Nicole Pellegrin, le regard porté sur ces jeunes bacheliers nous montre également combien la jeunesse est prise en compte de manière différente que d'autres composantes de la société. Vous l'avez évoqué, cette violence qui conduit jusqu'au coup, jusqu'au crime, jusqu'au viol. Tolérée ou pas tolérée? Alors, on le voit bien, hein, là, la chronologie est essentielle et on sent ce glissement qui va vers un contrôle de plus en plus formel et nécessaire, sans doute, de ces sociétés, de ces bachelleries. Mais quand il y a un viol pendant une bachellerie, que disent les juges? Est-ce qu'il y a une tolérance? Bon, bah, c'est jeunesse. Comme aujourd'hui, ça dépend de qui a violé qui. Alors, si c'est une petite bergère, on dit, oh, bah, faut que jeunesse se passe. Si c'est la fille du bon bourgeois du coin ou du meunier du village ou du gros laboureur, le père, les frères, la fratrie, les hommes, non seulement de la famille mais aussi du village, peuvent à l'occasion porter l'affaire devant les juges. Alors, Georges Vigarello a bien étudié ça et d'autres. Il y a ici à tenir compte de façon très très fine de l'appartenance sociale des acteurs, actrices, victimes, etc. Et la place des femmes dans cette histoire participe-t-elle? Alors oui, nous l'entendons bien, on l'a évoqué avec la fessée du mouton. La fessée est donnée par une jeune femme. Mais sont-elles présentes dans ces compagnies, dans ces confréries, Hilaria Taddei? Non, dans ces confréries, il s'agit donc de sociétés d'organisation des jeunes mâles. Depuis donc les 13e siècle jusqu'au 15e siècle, c'est l'expression vraiment de jeunes, de la jeunesse masculine qui intervient auprès aussi des femmes pour régler les mariages, dans l'intervention des fêtes des mariages, mais les organisations, et surtout ces organisations du 15e siècle, dont la finalité est essentiellement éducative, pédagogique, il s'agit donc essentiellement de les former à devenir, à apprendre les métiers, comme ils disent, les sources de la République. Donc, les femmes sont plutôt mises à l'écart de cette jeunesse et les finalités. Dans la ville de Florence, des compagnies, mais même dans les autres villes italiennes, on ne trouve pas des compagnies exclusivement donc féminines. Nicole Pellegrin, historienne anthropologue, je le dis, vous êtes chargée de recherche honoraire au CNRS. Les bachelleries, fêtes et organisations de la jeunesse dans le centre-ouest, 15e, 18e siècle, c'est votre thèse, c'était avec Pierre Goubert. Les femmes présente dans cette bachellerie. C'est possible. Ce sont des organisations, des structures qui peuvent accueillir les femmes. Alors, c'est plus diversifié que les cas italiens évoqués jusqu'à présent, puisque j'ai des reines des bachelettes. Alors, elles sont reines de la bachellerie ou elles sont bachelettes, le terme de bachette pouvant désigner à la fois l'organisation et puis une des héroïnes de la fête. Et dans le cas de Châtillon-sur-Sèvre, il est évident qu'elles ont un rôle tout à fait essentiel. Mais il est évident aussi que c'est essentiellement un rôle de potiche. Et on peut imaginer aussi qu'elles sont largement boniches, puisqu'il y a des festins, des échanges de mets, et que, encore une fois, c'est leur honneur qu'il s'agit de représenter et de défendre vis-à-vis de l'extérieur. Mais dans certains cas, et là, ce livre que vous avez eu la gentillesse d'évoquer était un livre de jeunesse. J'étais déjà féministe, mais je n'avais pas encore les moyens de creuser la question de la participation des femmes. Il y a des cas où dans les bachelleries, comme à Vouillé, dans le même arrêt dont vous avez lu un extrait tout à l'heure, les femmes vont dans l'Auzance chercher l'énorme boule en bois ferré que se dispute la soule, que se disputent nouveaux mariés et jeunes gens. Donc, ces femmes-là, elles sont des femmes agissantes. Alors, est-ce que c'est gommé dans les autres textes, puisque c'est encore une fois les archives de la répression et donc les curés, les seigneurs et les juges de Paris qui nous les racontent? Est-ce que on a dans ces bachelleries, et ça a été dit plusieurs fois, le reflet exact des hiérarchies sociales de la société d'ancien régime, c'est-à-dire une société patriarcale où les femmes ont des rôles méprisés et méprisables, guillemets. Il se peut à ce moment-là que, comme en Italie, mes bacheliers ne tiennent pas trop compte de leurs compagnes. Mais il y a des cas, des exceptions qui mériteraient attention. Méritez attention toujours sur cette longue lecture des bachelleries, cette thèse sur les bachelleries, c'est 1982, Nicole Pellerin, ça ne nous rajeunit pas non plus, avec la question de savoir... Je suis presque plus maligne. C'est presque. De savoir si ces bachelleries, ces confréries disparaissent à partir du moment où on commence à se méfier d'elles. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Nous parlons de la soule, par exemple, Nicole Pellegrin. La soule, c'est le football, enfin l'ancêtre du football tel qu'on le présente. À partir du moment où ces charivaris sont contrôlés de plus en plus, où ces bachelleries sont contrôlées, assiste-t-on à leur disparition? Non, évidemment, ça demeure ou ça perdure, selon les avis. Oui, alors... l'attaque en masse, si je puis dire, dont font l'objet mes bachelleries à la fin du XVIIIe siècle, sont insérées, à contextualiser dans un mouvement beaucoup plus vaste, qui est celui des luttes contre le divertissement et contre le nombre trop grand des fêtes chômées. Alors, comme dans mon cas, la plupart de ces bachelleries sont liées à des droits seigneuriaux, ou un échange entre le seigneur et la communauté villageoise, à partir du moment où la féodalité est contestée, on peut comprendre que l'abolition de la féodalité en 1789 va mettre fin à la majorité de ces fêtes, lors même que les fonctions et les rôles dévolus aux jeunes vont perdurer. Mais il faut mettre ça en rapport aussi avec le développement économique, le nombre plus grand des jeunes, le mouvement des Lumières qui traverse la vie villageoise la fin des bachelleries disons, programmée dès la fin du XVIIIe. Avant même la Révolution. Oui, c'est la même chose en Suisse, en Italie. Oui, en Suisse, par exemple, c'est la réforme protestante qui change totalement donc, les abbayes de jeunesse dans différentes villes de la Suisse. Malgré tout, une réflexion que l'on peut avoir avec le moment particulier du carnaval, dans tout ce que nous avons pu entendre, ce côté de transgression, on va le retrouver dans le carnaval. Ce sont deux moments liés qui aujourd'hui sont séparés, les bachelleries ne sont plus aussi présentes, le carnaval demeure. Ou alors, était-ce deux moments vraiment différents ? le moment de l'action des bachelleries et le moment du carnaval? Le monde du carnaval me semble toujours fondamental. On l'a vu tout à l'heure, même lorsque l'encadrement est très fort, le carnaval reste quand même le moment privilégié des jeunes et de l'expression donc d'une violence plus ou moins encadrée, mais c'est donc l'un des moments forts. Donc il nous reste le carnaval. Mais il n'est plus pris en charge seulement par les jeunes gens. Et peut-être qu'on doit évoquer ici le fait que désormais, il y a une scission entre les spectateurs et les acteurs. Et ça, c'est un point qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer durablement. Mais ce qui donne envie d'aller en savoir plus à travers vos ouvrages. Alors bon, bien sûr, il y a les bachelleries Nicole Pellegrin qu'on peut encore trouver. Oui, oui, on le trouve. Et puis, il y a votre ouvrage Ilaria Taddei, La prudence à l'œuvre dans la Florence de la fin du Moyen-Âge. Et je veux tout de même citer Nicole Pellegrin, la sortie en poche de votre ouvrage Voile, une histoire du Moyen-Âge au XXe siècle. On pourrait rajouter au XXIe siècle en écho à l'actualité. Merci vivement à toutes les deux. Il est temps de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Pourquoi le roi ne meurt jamais? Dans un célèbre ouvrage, initialement paru en 1957, l'historien Ernst Kantorowicz a montré que la doctrine des deux corps du roi était apparue en Angleterre au XVIe siècle. Les légistes de la couronne ont prétendu alors que le roi possédait un corps naturel, sujet aux faiblesses et aux infirmités de la nature humaine, mais aussi un corps politique chargé de gouverner ses sujets. Ces deux corps, étant présentés comme indissociables l'un de l'autre, ne pouvaient être séparés que par la mort. Toutefois, celle-ci n'affectait que le corps naturel du roi, car le corps politique perdurait en s'incarnant dans le corps naturel de son successeur. Tel est le sens du célèbre aphorisme « Le roi ne meurt jamais ». Cette théorie juridique peut être vue comme une construction intellectuelle dont les matériaux bruts sont à chercher dans les croyances du sens commun. Yves-Marie Berset a consacré plusieurs études sur l'histoire des représentations collectives accréditant l'idée que les rois pouvaient survivre après leur mort. Le moment crucial dans la naissance de ce type de légende se déroulait généralement lorsque survenait le décès du monarque. Même impopulaires, durant leur règne, les rois défunts étaient le plus souvent réputés avoir eu une mort édifiante. Ils étaient inhumés dans un lieu lié à la couronne comme Saint-Denis, Bellem ou Westminster. Les plus vénérables d'entre eux, canonisés par le pape, étaient considérés par l'Église comme des saints. Dans les classes populaires, cette survie légendaire du roi mort atteignit son paroxysme dans les récits concernant les rois cachés. L'étrange attente d'un souverain disparu, qui reviendrait sauver son peuple, a été mise en scène à la fin du XVIe siècle, surtout dans deux aires culturelles très éloignées l'une de l'autre. La Moscovie, où le peuple espérait la réapparition du tsarévitch Dimitri, et le Portugal, où l'on cherchait le fantôme du roi Sébastien, mort lors de la bataille des Trois Rois à Ksar el Kébir le 4 août 1578. Parmi les multiples versions qu'a prises le mythe du roi caché, l'une des plus populaires fut celle qui racontait que, pour échapper à la malfaisance de son entourage, il avait été contraint de fuir et de se déguiser. Dans ces légendes, la dissimulation apparaît ainsi comme un moyen grâce auquel le souverain agit en faveur de son peuple en préparant secrètement son retour. Ces légendes peuvent être vues comme l'une des manières dont les classes populaires ont nommé au cours des siècles passés, leurs revendications et leurs espoirs d'une vie meilleure. C'est surtout dans les périodes troublées, lorsque les épidémies et les guerres aggravaient la misère des populations, que l'attente d'un héros légendaire prenait de la consistance. Mais le mythe du roi caché, que le peuple attendait fébrilement pour renverser les pouvoirs en place, a alimenté deux types de dynamiques subversives opposées l'une à l'autre. D'un côté, la nostalgie du bon vieux temps, et de l'autre, l'espérance des lendemains qui chantent. L'attente du héros providentiel faisant régner l'ordre et la justice, qui était autrefois incarnée dans la figure du roi défunt, n'a pas disparu avec l'avènement de nos démocraties, mais elle a pris d'autres formes, adaptées aux réalités de notre temps. Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par une équipe Docteur S. Charivari, Jeanne Delecroix, Toscane Vudel, Jeanne Copper, Raphaël Laloum et Mayouen Guizhou. Merci Alina, l'Institut National de l'Audiovisuel. Le cours de l'histoire est écouté à podcaster sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France.